Mireille Kanyang. Dimanche 3 novembre, bonjour et merci de nous rester fidèles. Madame, Monsieur, voici les grands titres de cette édition. Des sites d'exploitation ne sont pas aussitôt recouverts, déplorent des sénateurs. La province Ruyigi en souffre. Le parti APD estime que la période de déclaration des candidatures pour les prochaines élections risque d'entraver les coalitions politiques. Et c'est ce dimanche qu'a été organisée la finale de la Coupe des Héros burundais, 5e édition en volleyball. Dans la chronique nutrition de ce dimanche, nous parle des vertus de la banane mûre. C'est dans cette édition mise en onde par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Parlons environnement pour débuter cette édition. Des sanctions seront infligées aux exploitants des minerais qui ne remettent pas en état leur site d'exploitation. Mais cela après avertissement à propos du ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage au cours d'une séance des questions orales au Sénat mercredi. C'est au moment où certains sénateurs déploraient le fait que certains exploitants se passent de la remise en état des sites d'exploitation des minerais, causant ainsi le rétrécissement des sols cultivables. À titre illustratif, 40 hectares des terres des marais de Rusengo en province Ruyigi sont déjà devenus non cultivables suite aux travaux d'exploitation minière. Le point avec Gérard Nibigira. Le sénateur syriac Nshimirimana, élu dans la circonscription de Ruyigi, a dit que les terres cultivables de la population ont été tellement détruites qu'elles ne sont plus cultivables suite aux exploitants des minerais dans sa province natale. Et il pense sans se tromper que c'est la même chose dans d'autres provinces. Il explique que les exploitants des minerais ne bougent pas les trous d'où ont été extraits les minerais, ce qui cause des cas d'accidents variés ou alors la boue dégagée pour y extraire des minerais qui n'est pas remise dans des fosses est emportée par les eaux de pluie vers les champs des marais qui deviennent incultivables. Il donne l'exemple de la localité de Rusengo à Ruyigi où 40 hectares de champs des marais ont connu ce sort, de même que 15 hectares de la zone située entre Kigamba et Nyarunazi dans la même province. Il demande alors si de tels champs seront abandonnés gratuitement comme ça ou pas. À propos, le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage Prosper Dodiko rappelle que pour avoir l'autorisation d'exploitation des minerais, tout exploitant doit faire l'étude d'impact environnemental qui montre la réduction des risques et surtout la remise en état du sol. Il indique néanmoins que les techniciens de ce ministère n'ont pas de moyens suffisants pour suivre convenablement les actions des exploitants des minerais. Ainsi, il demande aux parlementaires de contribuer en votant un budget national qui offre des frais de fonctionnement suffisants à ce ministère pour que ces techniciens aient des frais suffisants pour suivre de près les travaux d'exploitation des minerais. Toutefois, il souligne qu'en attendant, ce ministère compte rappeler aux exploitants des minerais que la remise en état du sol est une obligation et qu'ils doivent le faire et précise que des sanctions seront infligées à tout contrevenant. Vous saurez que même les trous desquels a été extraite l'argile ayant servi à la fabrication de briques cuites qui n'ont pas été bouchées ont déjà occasionné plusieurs cas de décès en province de Gitega. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Parlons agriculture à présent. Le président malgache demande aux pays membres du COMESA de prendre l'exemple de son pays en cultivant le riz. Le Madagascar étant le troisième producteur du riz sur le continent africain après l'Égypte et le Nigeria. Andy Rajoelina l'a dit lors du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du COMESA qui s'est déroulé à Bujumbura jeudi de cette semaine. Le président malgache a fait savoir que cela va renforcer les économies des pays du COMESA, qui représente actuellement un PIB collectif de plus de 1 000 milliards de dollars. Suivez. L'agriculture résiliente au climat, l'exploitation minière et le tourisme qui sont essentiels pour relever les défis actuels. Ces secteurs sont des piliers de développement durable et je remercie la République du Burundi de les avoir placés au cœur de notre coopération intra-régionale. Nous devons assurer la résilience de nos 600 millions d'habitants qui croissent de 2,7% par an et renforcer nos économies qui représentent un PIB collectif de plus de 1 000 milliards de dollars. Pour le cas de mon pays, l'agriculture est un secteur clé, pas seulement pour Madagascar, mais pour l'Afrique et le COMESA, car il représente 60% de la PIB de la population. Actuellement, Madagascar est le troisième plus grand producteur du riz sur le continent africain, après le Nigeria et l'Égypte. Avec nos 36 millions d'hectares de terres arables et 80% de notre population vivant en zone rurale, nous aspirons à devenir le grenier rizicole du continent et à contribuer à l'autonomisation alimentaire de notre région. C'est dans cette optique que Madagascar déploie ses efforts pour la transformation agricole. Nous avançons ainsi vers une agriculture intensive et durable en vulgarisant les semences hybrides améliorées tout en mécanisant notre production pour accroître notre productivité passant de 3 tonnes à 10 tonnes à l'hectare. En modernisant les pratiques agricoles, Madagascar peut et doit être une zone de transformation agricole. Nous nous sommes battus pour avoir notre souveraineté. Et aujourd'hui encore, nous allons nous battre pour notre souveraineté alimentaire, pour nos pays respectifs et pour le continent et pour notre organisation. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Poursuivons cette édition à 13h02. Dans le studio de la radio Isanganilo, le parti APDA s'inquiète par rapport à la période de déclaration des candidatures pour les prochaines élections et que cela risque de constituer une entrave pour les coalitions tant que le décret de convocation des électeurs n'est pas encore sorti. Le président de ce parti appelle la Commission électorale nationale indépendante CENI à chaque fois privilégier le dialogue avec les partis politiques. Gabriel Ibanzawi Tondé salue la mesure de la CENI visant à surseoir à l'exigence de certains documents nécessaires pour les prétendants candidats aux prochaines échéances électorales. Suivez. Nous nous disons que la CENI a accepté d'attendre quelques documents de candidature, puisqu'il y avait beaucoup de documents, mais aussi difficiles à acquérir. Ici, on peut citer par exemple, c'était difficile d'avoir le casier judiciaire, puisque trouvé au niveau de la police judiciaire à Bujumbura. Vous savez que, aussi avec les habitudes physiques, avec aujourd'hui les moyens de la population, le pouvoir d'achat, c'était vraiment difficile d'en trouver ces documents. C'est pourquoi nous profitons l'occasion de demander à la CENI de rematérialiser par un arrêté pour nous faciliter à collecter les documents des candidatures. Et notre chose, c'est que la CENI a déjà sollicité les emblèmes, les logos, les insignes que les partis vont utiliser pendant les élections. Et à partir de lundi, le 7 jusqu'au 8, on va déposer ces emblèmes. Et c'est une bonne chose pour la CENI pour qu'elle commence à moderniser les spécimens des élections. Mais pour nous, nous voyons quand même qu'il y a une contradiction au niveau des lois. L'article 127 du Code électoral stipule que le dépôt des candidatures devrait être sanctionné par une déclaration de candidature, et les emblèmes et aussi une caution. Et l'article 129 du Code électoral stipule que on dépose les candidatures après le décret de convocation par le président de la République. Vous entendrez bel et bien, alors quand on dépose les emblèmes avant, ça va causer un problème au niveau des partis qui veulent des coalitions, puisque c'est difficile de confectionner le logo d'une coalition qui n'existe pas. Dans l'ensemble, nous voyons qu'avec la demande des emblèmes, va bloquer les partis qui veulent former des coalitions pour les élections. Mais dans l'ensemble, nous souhaitons que la CENI continue de dialoguer avec les partenaires électoraux afin que les élections passeront en toute tranquillité. Gabriel Banzawitonde, président du parti APD. En parlant sport à présent, la Fédération burundaise de volleyball a organisé ce dimanche la 5e édition de la Coupe des héros nationaux, à savoir le prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance, et le président Melchior Ndadaye, héros de la démocratie. Le secrétaire général de la Fédération burundaise de volleyball fait savoir que 17 équipes, 8 masculines et 9 féminines, ont pu participer dans cette compétition. David Bigilimana précise que ces équipes doivent être affiliées à la Fédération burundaise de volleyball. On l'écoute. La Fédération burundaise de volleyball organise la 5e édition de la Coupe des héros. Nous pensons plus particulièrement à l'héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore, et à l'héros de la démocratie, son excellence, le président Melchior Ndadaye. Pour cette 5e édition cette année, nous avons lancé l'invitation à toutes les équipes, à toutes les associations provinciales pour que leurs équipes respectives puissent se faire inscrire et participer à ce tournoi. Alors, pour cette année, nous avons eu 8 équipes côté hommes, dont 6 de l'association de volleyball amateur de Bujumbura, l'équipe qui provient de Kayanza, donc Kayanza United, et l'équipe qui provient de Bururi, étoile de Kirimba Sud. Du côté dames, nous avons eu 9 équipes, dont 6 de l'association de Bujumbura,